Si les poings sont levés, si les poings sont fermés, c'est peut-être en signe de colère. Ça veut dire unité, ça veut dire liberté, c'est un signe de fraternité. Le pain, la paix, la liberté, l'espoir du bonheur pour demain. Les grèves, les usines occupées, la joie d'être des hommes enfin. Monsieur Blum, vous étiez sincère, au beau temps du Front populaire, au beau temps du Front populaire. C'est les premiers congés payés, partez chanter sur les chemins, et 40 heures à travailler, c'est gagné dès le mois de juin. Si les poings sont levés, si les poings sont fermés, c'est peut-être en signe de colère. Ça veut dire unité, ça veut dire liberté, c'est un signe de fraternité. On a signé le Front commun, et les communistes sont là. Ils vont donner tout leur soutien, mais ils ne gouverneront pas. Monsieur Torres, vous étiez sincère, au beau temps du Front populaire, au beau temps du Front populaire. Il faut savoir finir la grève, donner des canons pour l'Espagne. Tout n'est possible que dans les rêves et dans le pays de Cocagne. Si les poings sont levés, si les poings sont fermés, c'est peut-être en signe de colère. Ça veut dire unité, ça veut dire liberté, c'est un signe de fraternité. D'autres difficultés commencent, un temps de pause est nécessaire. Même s'il faut réarmer la France, la paix est révolutionnaire. Monsieur Blum, vous étiez sincère, au beau temps du Front populaire, au beau temps du Front populaire. La calomnie, tu salon gros, Clichy, la police a tiré, et c'est la fuite des capitaux. Faut dévaluer, l'élan est brisé. Si les poings sont levés, si les poings sont fermés, c'est peut-être en signe de colère. Ça veut dire unité, ça veut dire liberté, c'est un signe de fraternité. Les pleins pouvoirs sont refusés par Caillot qui règne au Sénat. Monsieur Blum a démissionné, déjà vient un autre combat. Si les poings sont levés, si les poings sont fermés, c'est peut-être en signe de colère. Ça veut dire unité, ça veut dire liberté, c'est un signe de fraternité. Si les poings sont levés, si les poings sont fermés, c'est peut-être en signe de colère. Ça veut dire unité, ça veut dire liberté, c'est un signe de fraternité. Si les poings sont levés, si les poings sont fermés, c'est peut-être en signe de colère. Ça veut dire unité, ça veut dire liberté, c'est un signe de fraternité. Si les poings sont levés, si les poings sont fermés, c'est peut-être en signe de colère.